Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. Avec moi, ben, j'ai le nouveau champion du monde de dynamophilie, c'est William Veilleux. Salut William. Bonjour. William, félicitations, ça a été vraiment incroyable comme sentiment que tu nous as fait vivre. D'abord, est-ce que tu t'attendais vraiment à aller à Minsk et remporter une médaille d'or? Pour la médaille d'or, j'avais des quand même hautes attentes. Je visais un podium. Je savais que le record au deadlift, j'étais pas loin, mais je m'avais jamais fait autant d'attentes. Ben, je m'avais pas fait d'attente du tout, dans le fond, parce que je savais pas, quand j'allais arriver à Biélorussie, à Minsk, comment l'ambiance, comment que ma performance allait aller. Ça dépend sur plein de facteurs extrêmement mineurs comme majeurs. Mais je suis agréablement surpris. Joël Bouillon de Gagné me disait que c'était un avantage considérable de passer en deuxième. Il nous expliquait d'ailleurs que c'était toi, c'était le poids, que c'est toi qui avais décidé ça et de passer en deuxième. Puis c'était un gros avantage. Oui, ben en fait, c'est mon coach là-bas qui a pas mal préparé ça, puis qui a fait le plan en fait là-bas. Puis moi, j'ai suivi, je forçais, puis tout a bien été, sans aucun doute. C'est un avantage. La langue, comment c'était? Parce que je sais que ça pouvait être compliqué, c'est sûr que c'est toujours les mêmes thèmes, mais est-ce que tu as eu quand même bonne communication avec? Avec mes coachs. Avec mes coachs, ben j'ai pas de misère à me débrouiller en anglais. Puis les termes, là, ça ressemble. Ben c'est. En fait, on utilise les termes anglais ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour ce sport-là. Fait que ça a pas été difficile de se débrouiller avec la langue. Ça a même. J'ai pas senti. Joël me disait aussi qu'allant en Biélorussie, il me disait ça au mois de mai, que ça pouvait être difficile parce que dans les blocs de l'Est, on ne sait pas vraiment ce que le manger, l'eau et ainsi de suite, l'encadrement. Ouais. Comment c'était? Ben, j'ai été chanceux. J'avais une bonne hôtel. Puis Minsk, c'est une ville assez, quand même touristique. C'est la capitale de la Biélorussie. Fait que moi, je me nourrissais, je me reposais, j'avais un petit training à faire, je me concentrais sur mes affaires, je stressais pas sur ma compétition. J'étais venu, puis j'allais tout faire pour gagner, c'est tout. OK. Ça n'a pas été difficile. 256 kilos le dernier levé que tu as. 258 kilos le dernier levé que tu as fait. Est-ce que tu t'étais confiant? Puis Carole me dit que tu l'avais jamais fait. Ben, je l'avais jamais fait. Puis quand je l'ai fait, je savais même pas que j'avais 258 kilos. Ah ouais? OK. J'étais complètement sous l'adrénaline. Je pensais pas. Moi, je savais que mon coach allait me mettre la charge pour gagner. Fait que tu savais pas du tout ce que c'était. T'avais 258. Non. Mon coach, en fait, il m'avait dit, bon, là, cette charge-là, ça va être la charge. Si tu lèves, tu gagnes. Ouf. Puis moi, je savais pas du tout. Moi, j'étais sous l'adrénaline au bout. Mais j'étais prêt. Je savais que j'allais apprendre dans mes mains, puis j'allais monter en haut. J'allais tout faire pour. Si tu l'aurais su, ça t'aurait-tu dérangé? Je sais pas. Probablement que ça aurait pas joué un gros impact, parce que je suis bon aussi sous le stress. Mais tout s'est produit parfaitement. Puis là-dedans, on peut rien changer. Là, c'est sûr. Parle-moi un peu, justement, des autres. Tes autres médailles d'or, ton autre médaille d'or, ça a bien été quand même? Ouais, ben je dirais que ce qui a fait la plus de différence dans cette compétition-là, ce qui a fait que j'ai gagné puis j'ai le titre de champion du monde, c'est l'augmentation de mon squat, le changement de technique de squat high bar à low bar que Joël, justement, me, m'aider à perfectionner, puis me montrer en fait. Puis c'est ça qui a fait la différence, parce que mon squat a passé de 200 kg au championnat canadien à 217,5 kg, ce qui est une augmentation énorme. J'ai commencé mon premier essai à 207,5 kg. C'était déjà un record personnel de 7,5 kg. Puis c'est ça qui a joué le facteur. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai battu James English, que j'ai eu le titre du championnat du monde, parce que j'aurais pas pu imaginer l'avoir sans avoir changé cette technique-là, travailler ça avec mon coach Joël Desgagnon-Bouliane. Harold Veilleux me disait en entrevue qu'il y avait une grosse rivalité entre les deux. Les gens ne l'ont pas vu à la télévision parce que c'était diffusé sur Internet, mais il y avait une grosse rivalité entre les deux. Est-ce que tu connaissais avant? Non, je le connaissais pas. On le suivait tous les deux sur les réseaux sociaux. Quand on s'est croisés à peser, on savait on était qui, on s'était regardé, puis on s'est serré la main, puis après ça, l'ambiance entre nous deux, c'était plus froid. Il y avait une petite game d'intimidation, puis c'était cool. Moi, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai jamais eu un rival aussi solide que ça, et ça, il m'a donné tout un combat. Ah oui, puis si on parlait un peu, apparemment qu'il l'a pas pris du tout, le fait que t'avais gagné. Non, ben lui, il était venu aussi. Il était venu pour l'or, juste pour l'or. L'argent, ça a été plus dur à digérer pour lui, mais j'ai gagné cette compétition-là. Je lui ai rien volé. OK. J'aime ça ton attitude. Parle-moi de là-bas à Minsk. Comment c'était dans la semaine qui a précédé la compétition? Ben, moi, je suis arrivé à Minsk, j'étais brûlé. Le décalage horaire, ben, ouais, il a fallu que je m'adapte. Puis la nourriture, c'était au début, ouais, j'ai quand même eu. C'est différent. Mais je me suis adapté très bien, puis je me suis concentré sur ce que j'avais à faire, en fait. C'était bien me nourrir, me reposer. Je me suis concentré là-dessus. J'ai pas pensé ben à ma compétition. Puis quand je suis arrivé, je me suis levé le matin en compétition. J'étais prêt, j'avais tout fait. J'avais tout fait ce que j'avais à faire. Puis ça s'est super bien passé. Si ça aurait été à Calgary, parce que l'an prochain, les championnats du monde vont être à Calgary, ça aurait-tu été différent encore? Ça aurait-tu, du coup, parce qu'évidemment, on dit tout le temps le bloc de l'Est, c'est ouais. Différent. Ça aurait-tu été encore meilleur ou ça aurait pas eu d'impact? Sur ma performance, je pense pas que ça aurait joué d'impact parce que j'avais vraiment tout fait, tout mis les chances de mon bord là-bas. Puis moi, je travaillais là-dessus, c'était juste ça. J'étais arrivé, j'avais la confiance, puis je cherchais tous les atouts que je pouvais mettre de mon côté pour ma pesée, puis la nourriture, le repos. J'ai fait un entraînement là-bas aussi qui a super bien été. J'avais eu des spotters. Si à Calgary, ben je peux pas le dire, ça aurait peut-être été différent, peut-être que non, mais j'ai connu la meilleure performance de ma vie, puis je pense pas que j'aurais pu me battre. Ouais, c'est clair. Si on parlait un peu depuis dimanche, t'es arrivé, je pense 4 heures après tu prenais l'avion, c'était pas facile de revenir. Hein? Non, le retour a vraiment été difficile là. J'ai fait ma compétition, j'ai vu mes coachs, j'ai remercié tout le monde, j'ai parlé aussi à mon compétiteur, je lui ai serré la main après. J'ai vu mes compagnons aussi canadiens, puis après ça, j'étais arrivé à l'hôtel, puis il fallait que j'avais pas le temps de dormir, je venais de connaître la plus grosse journée de ma vie. Il fallait que je change mon argent, puis je reparte pour de la route, de l'avion, puis 6 heures aussi après ça pour Montréal, me rendre chez nous, ça a été vraiment difficile, puis je suis encore fatigué, puis... émotivement puis physiquement beaucoup de ça. L'adrénaline aussi, j'imagine. Là, est-ce que tu réalises vraiment que tu es champion du monde? Je pense pas que je me lève le matin puis je pense pas vraiment qu'on peut réaliser ça personnellement. Ça va toujours je vais me lever à tous les matins puis je vais y repenser, c'est un moment là puis ça va probablement me suivre toute ma vie. Ben, c'est clair. Dis-moi, je regardais le Dynamo Philly, il y a plusieurs pays qui sont représentés. J'ai vu du Kazakhstan, j'ai vu de la France, j'ai vu beaucoup de Canadiens aussi, des Américains. La Dynamo Philly est pratiquée dans combien de pays? Est-ce qu'il y avait pas mal de pays différents? Ah oh oui, je pense qu'il y avait 80 pays représentés. Ouais. Donc, c'est un sport qui est en pleine ascension, là. Oh oui, c'est je dirais que ça doit être un des numéro un d'un sport qui est en ascension là, aux États-Unis. Là. Il y a une grosse hausse de popularité, puis les compétiteurs, ils notent toujours de plus en plus, puis la compétition est toujours de plus en plus féroce, puis C'est un sport en ascension, si on peut le dire. Joël Bouillane de Gagné me disait lundi que t'as pas fini de t'améliorer. Non, ça c'est vrai, j'ai pas fini de m'améliorer. J'ai 18 ans, puis mes techniques, ça fait à peine, ça fait 10 semaines que je m'entraîne, puis que ça monte en fou avec Joël de Gagné Bouillane, puis... Ça a changé pas mal, je pense, Joël. Hein? Oui, c'est sûr, c'est ça que ça a complètement fait la différence. Là. Les techniques nouvelles que j'ai apprises, la façon dont je me suis entraîné, je suis arrivé aussi beaucoup plus épais. J'étais fort. Là. Puis j'avais jamais connu ça avant, là, autant. Puis, ouais. Pourquoi la dynamophilie au lieu de l'haltérophilie? Les gens se posent beaucoup de questions et font la différence. Je l'ai posé à Joël de bien nous l'expliquer. Pourquoi tu as décidé la dynamophilie au lieu de l'haltérophilie? Qu'est-ce qui t'a fait faire la dynamo? Ben moi, ce que j'aime de la dynamophilie, contrairement à l'haltérophilie, c'est qu'en dynamophilie, tu peux faire un lever, puis tu peux l'avoir de peine et de misère, forcé pendant, de tout donner, forcé, puis grinder ton move pendant des trentaines de secondes. Mais, puis contrairement à l'haltérophilie, en haltérophilie, tu fais un lever, c'est soit tu l'as ou soit tu l'as pas. Tu peux pas l'avoir de peine et de misère. Tu peux pas presque l'avoir eu. C'est vraiment le fait que c'est un sport de force brute puis que ça joue des fois en une question de petites milligrammes qui fait que okay. Ça, tu vas l'avoir levé ou tu vas l'avoir pas levé. C'est ça que j'aime, c'est que ouais, c'est que plus de temps, tu forces plus. C'est vraiment de la force brute. OK. William, en terminant, les gens s'imaginent pas comment tu as fait des sacrifices. Il y a une belle médaille. Joël me disait que tu t'étais quand même, depuis le mois de mars, deux fois par semaine à Jonquière. Ouais. Tu as un emploi, tu es étudiant. Tout, ça représente combien d'heures d'entraînement, tout ça, là, par semaine? Bien, juste en entraînement, là, ça représentait environ 20 heures par semaine. Okay. Ça, c'est sans compter aussi... La discipline, aussi? La discipline, c'est sûr. J'ai pas bu une goutte d'alcool depuis octobre, avant cette compétition-là. J'ai eu 18 ans. Puis, la discipline, puis aussi le repos qui est vraiment important. Tu sais, c'est des entraînements qui sont vraiment durs, puis il faut que tu récupères, parce que tu vas en avoir un autre le lendemain, puis c'est ça qui est difficile. Fait que j'avais aussi beaucoup de... d'étirements, des marches. Tu as eu mal en passant, j'ai entorsé la roule, mais elle me dit que tu as eu mal beaucoup. Ah oui, c'était beaucoup de douleur. Là. Changer le lowbar, j'étais pas assez flexible des épaules, puis il a fallu que je chauffe énormément, puis que je mette encore plus de temps pour m'étirer aussi le soir, à tous les soirs, m'étirer les épaules, m'étirer, et puis faire de la mobilisation articulaire. Ça a été toute qu'une épreuve, puis je l'ai remporté, j'ai fait ça aussi haut la main. Je suis vraiment fier de moi pour tous ces sacrifices-là. Ben, et t'as raison d'être fier de toi, puis on te félicite énormément. Merci beaucoup. William Veilleux, le nouveau champion du monde de dynamophilie. Ben, correct. Faut pas.